Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousue main, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, la grande aventure de la science, une série de Lydia Ben-Itzrak réalisée par Assia Khalid. Au départ de cette série, il y a une épidémie qui résiste et qui nous oblige à regarder le monde scientifique avec un œil tout neuf et à comprendre que pour trouver, il faut pouvoir aussi se tromper. Alors pour commencer, les personnages, des médecins en surchauffe, un philosophe qui croit, un chercheur amer, un anthropologue qui questionne, un journaliste qui explique, un philosophe qui donne des exemples, des chercheurs qui tâtonnent, un sociologue qui dépiote. Ensuite le décor, la vérité, l'ignorance, l'expérimentation, des questions, du temps, un film qui fait peur, l'angoisse, la contagion, la preuve, l'erreur, des hypothèses, du provisoire, des laboratoires, l'empirisme, la preuve du contraire et la prudence. Aujourd'hui, 3e épisode, on ne sait plus rien. Le degré d'ignorance est énorme et c'est vrai parce que les gens, je pense, depuis le début de la crise, se sont rendus compte de l'ampleur des recherches à faire sur des questions triviales mais extrêmement importantes. Par exemple, le virus reste-t-il sur une surface? Combien de temps? Tout le monde se pose la question. Et en fait, de faire une expérience correcte pour déterminer ça, répondre à cette question, c'est compliqué, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, des gens, des moyens. À 17h aujourd'hui, on en était à 47 cas et 8 décès. Donc à ce stade, je pense qu'on doit estimer que c'est respiratoire, ou peut-être aussi des fomites. C'est quoi ça, des fomites? Ça s'applique à la transmission par les surfaces. Un individu lambda se touche le visage entre 2 et 3000 fois par jour. 2 et 3000 fois par jour? Et entre-temps, on va toucher les machines à café, boutons d'ascenseur, les poignées de porte et les gens qui nous entourent. Toutes ces choses devenant des fomites. Enfin, à cette heure, on ne peut même pas dire aux gens de quoi ils doivent avoir peur. Quand est-ce qu'on saura de quoi il s'agit? Ce qui provoque ce truc? Ce qui le guérit? Ce genre de choses qui rassurent? Ce qu'il nous faut établir, c'est ceci. Pour chaque personne qui tombe malade, combien d'autres personnes risquent-elles de contaminer? On appelle ce nombre le R0. Le R, c'est pour taux de reproduction du virus. Quand nous aurons le R0, nous serons en mesure de nous faire une idée de l'étendue de l'épidémie. Ah, c'est une épidémie maintenant? Une épidémie de quoi, au juste? Dans 72 heures, on saura de quoi il s'agit. Anne Goffard, 6 mars 2020. On ne demande que ça, d'avancer rapidement sur ce coronavirus-là en particulier. Mais si on veut pouvoir avancer, il nous faut de l'argent. Pour pouvoir acheter des réactifs, faire fonctionner des machines, faire des collaborations avec des collègues français ou européens ou même internationaux. Et il nous faut de l'argent aussi pour embaucher du personnel, pour payer des techniciens, pour payer des ingénieurs. Mais dans notre équipe, on est 5. Parmi ces 5-là, bah, moi je suis médecin, donc je passe la moitié de mon temps à l'hôpital parce que y a beaucoup de choses à y faire. On travaille 7 jours sur 7, c'est-à-dire que le week-end, le samedi, le dimanche, on va au laboratoire pour faire tourner les machines, pour vérifier que notre virus se réplique, pour entretenir les cultures cellulaires, etc. Donc c'est fatigant et on a donc besoin d'argent pour embaucher du monde pour pouvoir faire nos recherches. Science et droit à l'erreur. Je crois au progrès des sciences. Je crois au progrès des sciences dans le sens de l'accumulation de connaissances scientifiques complexes. Vincent Julien, philosophe des sciences. L'augmentation de la puissance des théories scientifiques, mais en même temps au fait que les sciences ne peuvent pas prétendre percer ultimement les secrets de la nature. Et ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'elles se déploient, qu'elles sont plus puissantes, elles ouvrent des portes sur des ignorances, des zones d'ignorance qu'on ne pouvait même pas soupçonner. Et il m'a semblé que sur le Covid, on aurait pas mal d'exemples. Les gens le savent et se disent, mais on ignore de plus en plus de choses. Alors, on va prendre des exemples. Justement, par exemple, la question, est-ce qu'on peut être contaminé deux fois? Alors ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a quelquefois, on raconte, quand on fait de l'histoire des sciences, on raconte que les anciens disaient « la variole ne s'attrape pas deux fois ». C'est-à-dire, comme ils savaient, de manière empirique, on va dire, ils savaient que mais il y avait une espèce de vaccination par une fois qu'on l'avait eu, on était immunisé. Il n'y avait pas de théorie pour l'expliquer. Et là, on se retrouve avec plusieurs siècles de théorie biologique qui est très solide, des concepts très solides sur ce que c'est que la contamination et l'immunisation. Donc on sait pourquoi la variole ne s'attrape pas deux fois. Et c'est vrai pour d'autres maladies. Et là, on se retrouve avec une maladie dont on ne sait pas. On n'est pas très sûr qu'elle ne s'attrape pas deux fois. Ça, c'est formidable, parce que voilà un exemple où on est au cœur d'une ignorance qui vient d'un progrès de la connaissance. C'est parce que le concept d'immunité s'est modifié par augmentation de la connaissance au cours des mois qui viennent de se passer, qu'il y a la possibilité théorique et hélas pratique qu'il y ait des contamination. Alors, si on cherche, vous allez dire, mais pourquoi, d'où ça vient? Ben, ça vient que, jusqu'à présent, le concept d'immunité qu'on avait était lié à la production d'anticorps. Les anticorps qui nous protégeaient s'il y avait une nouvelle attaque de ce virus. On était protégés. Et voilà, peut-être, je dis peut-être, parce que j'ai les articles que j'ai lus, les plus prudents, peut-être les meilleurs, disent peut-être. Peut-être qu'il y a immunité d'une autre nature. Il y a peut-être une immunité croisée, c'est-à-dire d'autres maladies que celle qui vient réattaquer protégeraient partiellement au moins de celle-là. Donc on a un élargissement du concept d'immunité. Et on a aussi peut-être une immunité qu'ils appellent, je parle des biologistes, des savants, l'immunité cellulaire. Ce ne serait pas la production d'anticorps qui protégerait, elle continuerait de le faire. Mais il y aurait aussi un autre moyen de gagner en immunité, ce serait une immunité qui serait cellulaire et qui ne fonctionnerait pas comme la première. Donc on pourrait peut-être ne pas avoir d'immunité par les anticorps et d'avoir quand même une immunité cellulaire mais qui n'aurait pas les mêmes vertus que la première. Et tout ça, ce sont des questions, mais des questions superbes. Ah, là, les scientifiques créent de la connaissance, j'allais dire de manière très abstraite, hein. C'est dans des labos qu'il y a des chercheurs qui ont dit « et s'il n'y avait pas une immunité cellulaire ?» Et si on cherchait, donc c'est une autre, vous voyez, c'est l'imagination au pouvoir hein, dans les sciences. C'est toujours comme ça. Ça part dans tous les sens. Je veux dire, il y a des chercheurs dans tous les coins qui disent « et s'il y avait ceci ?» Et s'il y avait cela ?» Pour faire un vaccin, pour comprendre l'immunité. Donc ils imaginent des tas de concepts. Et certains de ces concepts, dans quelques mois, dans quelques années, seront une connaissance scientifique solide. Frédéric Keck, anthropologue. Au début de cette pandémie, donc au mois de janvier, on a vu que la science produisait des résultats de façon très rapide et assez transparente, puisque les chercheurs chinois qui ont séquencé le virus de la Covid, donc le SARS-CoV-2, ont transmis la séquence par les bases de données sur Internet, de façon à ce que tous les chercheurs du monde entier puissent travailler dessus. Donc ça, c'est vraiment l'idée, effectivement, que très vite, la recherche produit des résultats disponibles pour tout le monde. Et en même temps, quand il s'agit d'interpréter le cours d'une épidémie, il y a beaucoup d'incertitudes, puisque c'est pas parce qu'on connaît la séquence génétique d'un virus qu'on peut prévoir s'il va être contagieux, létal, s'il va muter. On savait que les coronavirus mutaient peu, puisqu'ils ont des mécanismes de correction des erreurs de réplication, à la différence des virus de grippe, par exemple, qui mutent beaucoup. Mais on avait beaucoup d'incertitudes sur sa létalité, sur sa transmission dans l'air. Et donc, sur toutes ces questions, on a vu certains scientifiques vouloir aller trop vite, en promettant des traitements qui n'étaient pas encore testés. Et puis, il y a eu des controverses sur l'efficacité des masques au mois de mars, même si assez vite, les tests ont permis de montrer qu'ils étaient efficaces. Donc, effectivement, là où le public attendait non seulement des résultats, mais des prescriptions, on avait surtout énormément de données et il était très difficile pour les chercheurs de travailler en temps réel pour suivre toutes ces données et en tirer des prescriptions. Et c'est pour ça que se sont mis en place, effectivement, des comités d'experts qui, eux, avaient avez pour rôle de synthétiser cette information pour conseiller les gouvernants. Il y a quand même cette difficulté de l'homme politique dans une situation d'urgence qui est obligé de prendre des décisions en s'appuyant finalement sur un certain degré d'ignorance, y compris des scientifiques. C'est pas la même nature d'ignorance, c'est-à-dire que les scientifiques savent d'une certaine manière ce qu'ils ignorent, c'est-à-dire ont une certaine vision de l'état de la connaissance scientifique. Jean-Paul Crivine, de la revue Science et Pseudosciences. Très souvent, les politiques ne comprennent pas le fond des sujets, et c'est normal qu'ils en aient traité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se dote dans la plupart des pays d'agences sanitaires, qu'en France on a un office parlementaire sur les choix technologiques et scientifiques pour faire l'interface et l'éclairage scientifique pour les décisions. Alors il n'en reste pas moins que c'est très compliqué pour un décideur politique pour plein de raisons. Premièrement, comme je disais tout à l'heure, il attend des réponses fermes, définitives et carrées pour prendre des décisions, et ça serait plus confortable pour lui, oubliant ceci dit que la décision politique ne se ramènera jamais à la question scientifique. On peut prendre un exemple, on est au mois de septembre, qui est très médiatisé, la question des masques. Est-ce que la science, je l'entends souvent moi à la radio, à la télévision, la science dit que ça ne sert à rien d'avoir les masques dans la rue, ou au contraire, la science dit qu'il faut mettre le masque dans la rue. On est typiquement dans un exemple de l'articulation entre état des connaissances et décision politique. La science, elle dit d'abord fondamentalement ce que le masque apporte pour protéger une personne qui va être face à une autre et la personne pourrait être infectée, ou pour éviter nous-mêmes de contaminer les autres. À partir de là, cette connaissance sur l'efficacité relative des masques ne dit absolument pas comment ça doit être géré dans l'espace public. Est-ce qu'il faut rendre obligatoire le masque dans la rue, alors que tout le monde sera d'accord pour dire que quand je suis tout seul dans la rue, ça n'a aucune efficacité, mais que ça permet d'avoir une consigne claire, unique, qui fait que là où ça va être efficace, par exemple en lieu clos, les gens vont avoir l'habitude de la porter, ou au contraire, est-ce que c'est contre-productif, parce que les gens vont dire c'est dérisoire. Ça, c'est bien une décision politique que la science ne permettra pas de lever. Et ça, on va le retrouver sur des tas de sujets. Donc cette difficulté des politiques, elle est celle-là, c'est de comprendre la science, mais aussi de comprendre que la décision ne se ramènera jamais à la science, qu'il y a toute autre dimension sociale, sociologique, politique, économique, qui vont constituer cette décision. Et je dirais, si on revient sur la question de la science, le fait qu'il n'y ait pas des réponses tranchées, claires et définitives sur certains sujets, rendent la tâche du politique encore plus compliquée, là où en général ils sont frileux sur ces questions-là. Il faut s'en remettre aux scientifiques. 28 février 2020. Il semble que le virus ne s'arrête pas aux frontières. N'en déplaise peut-être à certaines et certains, il ne connaît pas cette géographie et ses limites administratives. L'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui ne recommande pas la fermeture des frontières. Et donc, les décisions au sein de l'Europe seront prises de manière toujours coordonnée sur la base d'éléments scientifiques. Et toutes les décisions utiles seront prises en temps voulu, mais ça n'est pas le cas aujourd'hui parce que les scientifiques nous disent que ça n'a pas d'utilité. Philippe Unemann, philosophe et historien des sciences. La situation du conseil scientifique avec le gouvernement, là qu'on a eu en France, c'est quelque chose de très propice à une sorte de phénomène où chacun se renvoie la balle et personne ne répond de ce qu'il a dit ou de ce qui va être fait en fait. Donc les politiques ont eu tendance à se défausser en disant « bah voilà, non, nous, on fait juste appliquer les prescriptions de la science », tandis que les scientifiques ont eu tendance à dire « non, nous, on est scientifiques, on fait pas de politique ». Alors pour un peu éclairer de manière un peu générale la question, la première chose, c'est que la science dit ce qui est. Vous savez, il y a David Hume, là, est un philosophe très connu pour avoir dit « il y a un fossé entre ce qui est et ce qui doit être ». De ce que vous savez sur ce qui est, vous pouvez pas déduire ce qui doit être. Bon. Et donc, la science vous dit que, bah, par exemple, la dynamique de l'épidémie, c'est celle-ci. Et que donc, bah, si on ne fait rien, il va se passer telle et telle chose. Après, si vous voulez pas qu'il se passe ça, faut faire quelque chose. Et éventuellement, la science peut vous dire, en gros, si vous faites A, il se passera B, si vous faites D, il se passera E, etc. Bon. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, toutefois, c'est que quand vous regardez dans le détail, c'est pas si évident que la science soit complètement pure de ce qu'on appelle des valeurs non épistémiques, c'est-à-dire des valeurs politiques et morales. En science, il y a toujours des valeurs, hein. Par exemple, quand vous apprenez les sciences, on va vous dire on préfère une théorie simple. C'est une valeur. Hein. C'est pas le monde. Il y a aucune raison qu'il soit spécialement simple. On préfère des théories qui sont mathématiquement traitables. Ça aussi, c'est une valeur. Il y a des théories qui sont avec une myriade de paramètres. On peut rien en faire. On pourrait les construire ces théories, mais on les fait pas parce qu'on préfère les théories mathématiquement traitables. Et puis il y a des valeurs qui sont pas épistémiques, c'est-à-dire qui concernent épistémique, ça veut dire ce qui concerne la connaissance. Par exemple, Einstein aimait les belles théories. C'est pas exactement épistémique, mais aussi et surtout, on peut vouloir des théories qui servent à quelque chose. Et il y a une philosophe qui s'appelle Heather Douglas qui a montré par exemple que quand vous faites des modèles, ces modèles peuvent avoir différentes manières de se tromper en fait. Donc il y a les faux positifs, c'est-à-dire quand vous faites un test de maladie, un faux positif c'est le test vous dit que vous êtes malade alors que vous l'êtes pas. Il y a des faux négatifs, c'est le test vous dit que vous êtes pas malade alors que vous l'êtes. Et dans la vie, les faux positifs et les faux négatifs, c'est pas pareil. Par exemple, pour les tests de maladie, généralement, on préfère avoir quelque chose qui a trop de faux positifs parce qu'on n'a pas envie de rater des malades. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on va choisir les tests, il y a ces valeurs qui sont des valeurs qui sont pas scientifiques. Hein. On préfère avoir moins de malades qui vont entrer en jeu dans le choix des tests. Donc, dans la construction même de la science, ce que cette philosophe, comme d'autres, a montré, c'est qu'à certains moments, il y a des considérations politiques et morales qui entrent en compte, et plus vous avez des sciences qui s'éloignent, entre guillemets, des mathématiques, par exemple, je sais pas, l'agronomie, les sciences environnementales, la biologie de la conservation, la médecine, plus vous allez avoir ce genre de cas. Dans la construction même de la science, vous avez quand même des valeurs politiques qui sont là. Donc, le schéma de départ, la science éclaire ce qu'il y a, et puis ensuite, on choisit en fonction de nos valeurs. Oui, il faut commencer par dire ça, parce que sinon, si vous expliquez ces choses-là aux gens, ça va être, les gens vont rentrer dans quelque chose comme « moi, j'aime pas cette science-là parce qu'elle est de droite ou de gauche, ou c'est n'importe quoi ». Mais quand vous essayez de regarder un peu sérieusement, oui, c'est plus compliqué que ça. Et effectivement, à un certain moment dans la construction de la science, vous avez ces valeurs politiques ou morales qui peuvent entrer en jeu. Alors, c'est pas un argument contre la science, c'est un argument pour dire « il faut les expliciter ». C'est très important, par exemple, de dire, voilà, nous avons cette théorie du monde, nous l'adoptons, parce que cette théorie permet de construire des tests et que ces tests donnent lieu à telle proportion de faux positifs et que on préfère ça qu'une autre proportion. Voilà. Si on dit ça, tout est clair et on peut tout à fait discuter rationnellement. Si vous voulez, il y a aussi une autre, un peu philosophiquement, de manière très générale, il y a une autre erreur qui est souvent faite, qui est de dire, la science, c'est la discussion rationnelle avec des preuves, puis le reste, les valeurs, la politique, la morale, tout ça, c'est l'intuition, c'est le... Non, enfin, on peut tout à fait discuter rationnellement de valeurs morales ou politiques et les choisir sur la base d'arguments. Dans ces discussions-là, souvent, on a tendance à, parfois, en tout cas dans certains secteurs de la philosophie et peut-être ailleurs, à penser que ce qui est à base d'arguments, c'est la science, et puis alors après, la morale, c'est chacun sa morale. Chacun... Non, pas du tout. Il y a des arguments moraux, il y a des arguments politiques, il y a des très mauvais arguments politiques. Et c'est ceux-là qui sont aussi en jeu quand, par exemple, on va discuter sur la pertinence d'un modèle épidémiologique dans le cas précis du coronavirus. Je m'appelle Samuel Alizon, je suis directeur de recherche au CNRS et j'étudie principalement l'évolution des maladies infectieuses. Ici, nous sommes derrière nos locaux à Montpellier, derrière nos bureaux, pas loin de la rivière, le Leds, qu'on entend couler avec les oiseaux. On est un cadre assez sympathique. Vous travaillez sur quel aspect exactement ? Alors nous, on fait un petit peu un mélange entre des aspects qui sont, je dirais, plutôt de l'ordre de la physique, comment les maladies infectieuses se propagent, ce qu'on appelle aussi l'épidémiologie, et des aspects plus biologiques qui sont la biologie de l'évolution, en gros telle qu'elle a été popularisée par Darwin et ses successeurs. Donc on essaye de mélanger un petit peu ces aspects de transmission des microbes et avec des aspects plus biologiques, évolutifs, comment les microbes peuvent acquérir des mutations et changer tout en se transmettant. Alors c'est vrai que nous, notre spécialité, je dirais, dans l'équipe, c'est cet outil de modélisation mathématique. J'ai coutume de dire qu'il y a toujours un peu de la modélisation, même si elle est verbale. À partir du moment où vous essayez de vous représenter une question, vous allez vous forger un modèle. Et donc ce modèle, au début, il sera verbal. Je pense que ce virus se transmet comme ça. Et ensuite, vous allez formaliser un peu plus les choses. Il peut y avoir des modèles statistiques, des modèles mathématiques. Et donc nous, c'est vrai que notre apport, c'est ces modèles mathématiques. Ça vient à l'origine de ce qu'on appelle la dynamique des populations, qui a commencé à être étudiée au 19e siècle. Et c'était vraiment l'étude de comment les tailles de population varient au cours du temps, essayer d'expliquer ces variations. Et c'est ces mêmes outils, finalement, qui ont été appliqués aux épidémies. Donc au lieu d'étudier les tailles de population qui peuvent être des nombres de lièvres ou de renards, on va suivre le nombre de personnes porteuses d'une maladie au cours du temps. En particulier pour les maladies infectieuses, les outils mathématiques fonctionnent relativement bien pour tout ce qui est la partie transmission. Après, évidemment, le souci étant que, en particulier chez l'homme, vous avez des aspects comportementaux qui sont très compliqués à prévoir. Pour prendre un exemple, si le gouvernement dit de porter des masques, il est très compliqué de prévoir si les gens vont porter des masques, qui, quand. Et du coup, rajouter ça dans la modélisation, c'est des aspects plus compliqués. Ce qui est assez déstabilisant, Samuel Alizon, c'est qu'avec cet outil de modélisation, quand on se base sur des statistiques, on va, dans certains cas, pouvoir prévoir, par exemple, le développement d'une population de virus, alors même qu'on n'a pas forcément compris par quel mécanisme il se propage. Oui, alors la partie de la transmission obéit énormément aux lois de la physique. En fait, il y a beaucoup de parallèles avec des processus de diffusion, ou ce qu'on appelle le terme technique, c'est la percolation. C'est quand vous avez des cafetières à l'italienne, à un moment le café commence à passer, vous avez vraiment cette valeur seuil. Et on retrouve en fait un peu les mêmes lois derrière au niveau de la propagation des maladies infectieuses. Donc avec des règles très simples, souvent ça va relativement bien marcher. En particulier, quand vous avez, comme il y a eu dans le cas de l'épidémie de coronavirus, une croissance exponentielle, des modèles très simples vont arriver à prévoir ce qui se passe. C'est un petit peu la même chose, je dirais, en général, en biologie. Si vous mettez des bactéries, des microbes dans une boîte de pétri en laboratoire, vos bactéries vont se diviser, vous allez avoir une, deux, quatre, etc. Et vous pouvez prévoir très très bien la croissance de cette population, ça va très bien marcher. Mais dès que vous allez sortir de la boîte de pétri, vous allez avoir des fluctuations environnementales ou ce qu'on regroupe un peu sous le terme barbare de stochasticité. Il y a des choses qu'on ne comprend pas qui peuvent se passer. Et donc tout ça va générer un bruit qui rend l'interprétation compliquée. En particulier, quand vous construisez vos modèles, un modèle est toujours basé sur les connaissances du système à un moment donné. Si une composante de ce modèle change, évidemment vos prévisions vont plus être adaptées. Il y a aussi cette opposition entre les mathématiques froides et distantes et puis le fait de s'intéresser à un individu comme un médecin le fait avec une certaine compassion. Oui, pour moi, épistémologiquement, si vous voulez, c'est l'autre distinction intéressante qui elle aussi est très très vieille. Hein. Quand on enseigne ces choses-là, on cite toujours Aristote qui disait le médecin, il soigne pas l'homme, il soigne cet individu-là. C'est vrai, évidemment. Dans les sciences biomédicales, il y a toujours eu une méfiance, souvent eu une méfiance envers les statistiques, les mathématiques. Et donc mon exemple favori, c'est Claude Bernard. Donc c'est quelqu'un qui est crédité d'avoir fait avancer la physiologie expérimentale massivement à la fin du 19e siècle. Et Claude Bernard, d'un côté, donc c'est l'un des premiers à avoir dit le médecin doit travailler avec le laboratoire. C'est-à-dire, en gros, le médecin, il doit quand même tenir compte de ce que le laboratoire qui fait de la vivisection sur les animaux vous dit du fonctionnement des organes. D'un côté, Claude Bernard dit ça. De l'autre côté, Claude Bernard pense que les statistiques n'ont aucun intérêt en médecine. Ce qui, avec la distance, est complètement aberrant. Enfin, je veux dire, une bonne partie de notre savoir médical est statistique. Donc c'est pour vous donner une idée de cette ambiguïté du rôle des mathématiques en biologie. Et c'est vrai qu'en biologie et en médecine, et c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de biologistes qui ont une espèce de réticence envers les maths, parce que la vie c'est la création, la vie c'est la diversité, la vie c'est pas des lois régulières, la vie c'est... Et ce qu'on a vu là, c'était exactement ça. C'est-à-dire que d'un côté, vous aviez les épidémiologues, c'est des gens qui font des modèles mathématiques, et qui font des modèles mathématiques alors au niveau des populations. exactement comme font les physiciens quand ils étudient les gaz, c'est-à-dire des ensembles de molécules dans une boîte. Hein, ça s'appelle la physique statistique et c'est pour ça qu'il y a des centaines de physiciens qui se sont mis à travailler sur l'épidémiologie du coronavirus. Et donc, il y a eu énormément de critiques envers ces épidémiologistes, dont par ailleurs, on a quand même entendu le message, puisque c'est sur la base de des travaux, alors en particulier de l'Imperial College à Londres, que certaines décisions de confinement ont été prises, y compris en France. 15 mars 2020. À partir d'aujourd'hui, tous les commerces ferment, sauf l'alimentation, les pharmacies, les tabacs et les banques. Les lieux de culture également, le télétravail doit être généralisé, les déplacements sont réduits au strict nécessaire. La stratégie mise en place, c'est de casser le virus, en supprimant sa circulation d'un individu à l'autre. La Chine a démontré l'efficacité de la quarantaine. Jérôme Salomon, directeur général de la santé. Nous évoluons vers une épidémie généralisée dans les tout prochains jours, mais tout va dépendre du comportement du virus et surtout du respect par les individus et par la collectivité des mesures barrières. Là, Samuel Alizon, avec cette pandémie mondiale, on s'est retrouvé dans une configuration où il y avait le paramètre de l'urgence, c'est-à-dire qu'on voulait comprendre quand même assez vite, et donc vous n'avez pas eu le choix de vous lancer dans des prévisions à moyen terme ou à court terme pour voir comment allait évoluer cette pandémie. Il y a eu le paramètre d'urgence en grande raison parce qu'on n'avait pas de traitement ni de vaccin disponible. Donc en fait, c'est vrai qu'en santé publique en général, en particulier en France, c'est souvent ça qu'on fait, c'est-à-dire que la gestion des maladies infectieuses, c'est avant tout de la vaccination et prescrire des traitements. Quand vous n'avez pas accès à ces options-là, il vous reste ce qu'on appelle les interventions non pharmaceutiques. C'est tout ce qui va contribuer à diminuer la propagation du virus. Et là, effectivement, la modélisation, c'est aussi pour ça qu'elle s'est retrouvée sur le devant de la scène. Parce que à partir du moment où vous faites des interventions non pharmaceutiques, vous placez à un niveau populationnel. Vous n'êtes plus dans la relation un patient, un médecin. Vous êtes vraiment dans une relation, une population d'individus au sein de laquelle se propage une infection. Au début, de toute façon, les options en termes de modélisation sont très limitées parce qu'on ne sait pas grand-chose. Donc en fait, on va pouvoir décrire des choses très simples, comme à quelle vitesse croît l'épidémie, ce taux de croissance exponentielle, qui, pour ceux qui ont fait un peu des mathématiques, est vraiment une fonction de base. Donc on va juste essayer d'estimer finalement un seul paramètre, qu'on popularise souvent sous le terme de temps de doublement. C'est le nombre de jours qu'il faut pour que l'épidémie double en taille. Par exemple, sur l'épidémie de coronavirus, le temps de doublement était 3 jours. Tous les 3 jours, l'épidémie doublait en taille. On voit aussi là un des apports de la modélisation qui est pour nous d'envisager qu'en 3 jours on passe de 10 personnes infectées à 20 personnes infectées, c'est quelque chose de relativement intuitif. Mais qu'en 3 jours on puisse passer de 100 000 à 200 000 personnes infectées, là tout de suite le cerveau a beaucoup plus de mal à capturer cette réalité. En fait même, si on pousse un peu plus loin, quand vous avez un temps de doublement de 3 jours, ça veut dire par définition qu'au cours des 3 jours vous allez avoir autant de cas que vous avez eu depuis le début de l'épidémie. Donc là encore, quand vous passez de 10 à 20, bon, bah 10 cas, oui, il y en a eu 10 depuis le début de l'épidémie. Mais de vous dire qu'une épidémie qui a commencé il y a 3 mois et où vous êtes à 100 000 personnes infectées, vous allez passer de 100 000 à 200 000 en 3 jours, tout de suite, voilà, c'est des choses que notre cerveau a du mal à capturer. Donc les modèles peuvent nous servir, même des modèles très basiques, pour mieux appréhender cette réalité. Une des grosses inconnues aussi en début d'épidémie, c'est la virulence de l'infection. La virulence, c'est le mal qu'un parasite fait à son hôte. Donc ça peut prendre diverses formes. Évidemment, la forme qui est la plus étudiée, c'est la mortalité, c'est-à-dire le taux de mortalité dû à l'infection. Et ça, sur une maladie telle que le coronavirus, c'est extrêmement compliqué à estimer. Là encore, vous avez besoin de modèles. Alors là, c'est plus des modèles statistiques que des modèles mathématiques. C'est compliqué à estimer parce que, par définition, vous n'allez voir au début d'épidémie que les cas sévères. Et pour un virus qui cause beaucoup d'infections asymptomatiques, ça rend ce calcul de mortalité très délicat. Dans le cas de l'épidémie, en fait, on en a su beaucoup plus vers la fin février, début mars, parce qu'il y a eu un navire de croisière qui a beaucoup fait parler de lui, le Diamond Princess, où en fait une épidémie s'est déclarée. Et donc, ils ont testé tout le monde sur le bateau, y compris les personnes non symptomatiques. Et donc là, ça a été une des estimations les plus robustes, qui est encore d'ailleurs beaucoup utilisé à ce jour, de la mortalité causée par l'infection. Mais ça veut dire que quasiment avant début mars, on n'avait pas d'idée très précise de quelle était la mortalité par infection. Et ça, vous vous doutez que dans un modèle, selon qu'une personne sur 10 000, une personne sur 1000 ou une personne sur 100 décède, ça vous change complètement les prévisions en termes d'occupation de lit en réanimation, par exemple. Les médias ne favorisent pas la connaissance, clairement. Luc Perrineau, médecin. La science a été bafouée en permanence. Même dans la revue Nature, ils ont fait une modélisation du nombre de cas qui auraient été sauvés par le confinement. Enfin, c'est dramatique. Vous montrez ça à un mathématicien et il pleure, quoi. C'était ma seule joie de la médiatisation du Covid. C'était ma seule joie de scientifique, c'est qu'on a beaucoup parlé des porteurs sains. Et je dis, tiens, enfin, on va comprendre que le porteur sain, ça existe. Voilà. Donc, il faut savoir maîtriser notre connaissance et notre technologie. Quand on fait de la médiatisation sur les étoiles et sur l'astronomie, ça marche très bien. Les gens sont passionnés, mais ils ne sont pas concernés. Ils ne sont pas concernés. Donc, c'est merveilleux, les étoiles, on apprend. Les gens sont d'une connaissance, souvent, en astrophysique assez extraordinaire. Mais quand vous faites de la médiatisation sur la santé, ils sont concernés. Et là, vous avez la barrière cognitive. Je ne peux plus être intelligent quand on me parle de moi. C'est plus possible. C'est pour ça que c'est difficile, la médiatisation des problèmes de santé. C'est très difficile. Finalement, nous, en tant que scientifiques, on se retrouve à être un peu contraints, enfin, en tout cas au niveau du discours, par le relais médiatique. Ah, il y a eu énormément d'emballements autour de la vague épidémique. Qu'est-ce qu'une vague? Quand est-ce qu'on sera au sommet de la vague? C'est vrai que pour nous, c'est quelque chose de... Enfin, à partir du moment où vous contrôlez une épidémie, bah, elle va décroître. Donc, après, vous pouvez appeler ça une vague, vous pouvez... C'est pas un terme scientifique, technique qu'on utilisera, quoi. C'est plutôt un concept qui a été utilisé pour transférer l'information. Et c'est un petit peu la même chose pour cette idée de deuxième vague. C'est-à-dire que nous, dans une approche de modélisation, l'épidémie décroît parce que vous la contrôlez, par toutes ces interventions non pharmaceutiques, donc le port du masque, la distanciation physique. Et à partir du moment où vous relâchez ces contraintes, bah, l'épidémie va croître. En fait, tant que vous n'avez pas une immunité suffisante dans la population, l'épidémie croît si on ne la contrôle pas. Il y a un souci qui est quasiment philosophique finalement avec la modélisation, qui est que si les prévisions, surtout les prévisions les plus pessimistes se réalisent, c'est que finalement il y a eu un problème quelque part. Si je précise un petit peu, si par exemple je dis que si les choses restent en l'état actuel en France, on se retrouve vers un pic épidémique avec potentiellement des centaines de milliers de personnes infectées par jour en novembre. C'est une prévision qui est faite au jour d'aujourd'hui au vu des courbes de croissance qu'on a. Évidemment, les pouvoirs publics vont réagir. Et même si au début, ils peuvent ne pas croire à la prévision, ce qui était peut-être le cas en mars, à un moment, ils sont devant le fait accompli, ils voient que les services d'urgence se remplissent et ils vont faire quelque chose. Ce qui fait qu'au final, les prévisions ne se réaliseront pas. Et du coup, c'est peut-être un peu ça, une des difficultés aussi des modèles de prévision, en particulier en épidémiologie, c'est que, voilà, on fait les prévisions à un moment donné, si rien n'est fait, ça semble impensable que certaines choses ne soient pas faites. Combien de gens vont mourir ? Eh bien, en 1918, il y a eu 1% de la population qui est morte de la grippe espagnole, d'un virus qui était totalement inédit comme celui-ci. 1% des Américains ? 1% du monde entier. Il pourrait y avoir 70 millions de morts, chérie, peut-être même plus. Tous mutuellement au courant de ce qui s'est passé, des dernières publiées, des histoires, de tout, voilà. Donc, Alors c'est qui, c'est vos étudiants ou c'est... Oui, alors Coralie vient de terminer sa thèse et elle revenait juste avant de partir en postdoc en Hollande, dans un laboratoire. Sur quoi? Je travaillais sur virus de la rage et virus Ebola. Donc j'ai fini il y a 2 mois et donc là je pars en postdoc le mois prochain en Hollande. Nadia Rabat, qui est professeure à l'université de Toulon. Alors moi je travaille pas que sur le coronavirus, je travaille sur l'hépatite E, les alphavirus et un petit peu le coronavirus maintenant, donc sur le Le fait d'essayer de comprendre en fait comment fonctionnent les différentes enzymes virales pour essayer de les inhiber et de trouver des molécules qui vont interférer avec leur fonctionnement. Et ça, c'est François Ferron qui est chercheur dans notre laboratoire. Moi, je travaille sur les arénavirus et les coronavirus. Donc, je fais de la biologie structurale. Donc, moi, j'ai le côté pas trop enzymatique, mais plutôt caractérisation des complexes. J'essaie de développer aussi des stratégies d'inhibition des enzymes virales. Donc Pierre est un ingénieur nouvellement arrivé dans notre laboratoire, qui est arrivé justement en renfort avec la crise du Covid. Vas-y Pierre, tu peux expliquer ce que tu fais. Effectivement, je suis arrivé en plein milieu du confinement en fait. Du coup, mon travail là, c'est de produire des enzymes du virus, des petits bouts de virus, sur lesquels ensuite, avec une collègue, on va tester différents médicaments potentiels. Donc là, évidemment, le port du masque est de rigueur. Là, vous ne l'enlevez pas du tout ou, Oui, on le porte toute la journée pour la bonne raison que si jamais il y a un cas ou positif dans l'équipe, en fait, c'est très embêtant. On ne veut pas s'arrêter de travailler. On a beaucoup de choses qui sont lancées. Et donc, on ne voudrait pas du tout tout laisser en plan. Même si à l'occasion de cette pandémie, Bruno Canard, le grand public a peut-être pris conscience de la complexité de ce que c'était la science et de ce qu'était la recherche, on nous présente quand même la promesse d'un vaccin comme une solution qui se profile à l'horizon. Et comment vous voyez cette situation ? En ce qui concerne les vaccins en général, effectivement, il y a des excellents vaccins qui marchent très bien, qui sont extrêmement efficaces, qui sont peu coûteux, et qui ont rendu le service incroyable à l'humanité. Et puis, il ne faut jamais mettre ses œufs dans le même panier. Et si on regarde l'histoire récente de la virologie, le roi des virus émergents, hein, c'est le sida. Et le sida, le vaccin a été extrêmement difficile, il n'y a pas eu de vaccin. Bon, peut-être qu'il y en aura, mais enfin, ça fait 30 ans d'efforts de recherche de vaccins qui ne sont pas arrivés. Et il y a eu un traitement, c'est une maladie chronique, donc c'est plus facile aussi à traiter avec des médicaments et donc on est arrivé à un franc succès à contrôler la maladie. Elle n'est pas éradiquée, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il y a eu des succès très forts avec les médicaments. Si on regarde un autre virus qui est l'hépatite C, franc succès aussi, il y a 5 ou 6 ans sont apparus des médicaments extrêmement puissants qui permettent en quelques semaines de se débarrasser complètement de l'hépatite C. L'hépatite C est un virus ARN qui a une certaine... assez voisins du coronavirus, hein, c'est les mêmes génomes, ils sont plus petits, bon, c'est pas le même tropisme, etc., ils s'attaquent au foie, bon, mais c'est le type de virus ARN, et là encore, la vaccination a été battue, si j'ose dire, par les médicaments. Ces médicaments permettent d'éradiquer le virus, et également, le virus était un des grands facteurs de cancer du foie. Donc, soigner le virus, si c'est soigner le cancer du foie, c'est quand même une prouesse, c'est quand même un très gros résultat de la recherche académique et industrielle, parce que toute la recherche académique qui a été très bien transférée à des industries. Et là encore, le vaccin n'est pas abandonné, mais en fait, il a vraiment du plomb dans l'aile à cause du succès de ces médicaments. Donc, en tant que chercheur ces virus et les médicaments, je suis assez triste de voir que la France, qui a été le pays découvreur du virus du sida, a joué un rôle complètement mineur, mais encore je suis gentil, dans la mise au point des médicaments sur le VIH. Sur l'hépatite C, c'est exactement pareil, la France n'a pas fait grand-chose. On a surtout, je pense, une tradition qui est orientée vers le vaccin, pour plusieurs raisons. À mon avis, il y a un roman historique sur Louis Pasteur et la vaccination avec la rage. C'est un succès énorme. Hein, d'ailleurs, voilà aussi un très bon vaccin. Mais ce roman national de Louis Pasteur a quand même façonné notre manière de voir les maladies infectieuses. Et en particulier la virologie. Et je pense que beaucoup d'eux ont été mis dans le panier de la vaccination et assez peu dans le design de la conception de médicaments. Et donc ça, ça a été effectivement à cause des succès de la vaccination en France. Il y a des très grandes entreprises qui savent très bien faire des vaccins et qui les font depuis très longtemps, ont capté l'attention et beaucoup de moyens. Et ces moyens n'ont pas été forcément aussi remis dans la recherche académique, en particulier via le crédit impôt recherche. Je pense qu'une petite partie de ce crédit impôt recherche, si elle était affectée à redonner un peu de souffle à la recherche académique, ça ferait pas de mal. Voilà. Donc je pense que pour le coronavirus, moi personnellement, je suis pour qu'il y ait une recherche vaccinale qui se fasse. Mais pour moi, un vaccin, c'est un vaccin qui protège à 100% et qui est sûr complètement. Il y a énormément de problèmes scientifiques qui se posent sur l'immunité. On a vu que les personnes pouvaient être réinfectées, donc ça pose des problèmes sur la détection des cas positifs, sur tout un tas de choses qui sont adressées par une recherche fondamentale puissante qui doit être ensuite relayée par l'industrie. Je vois aussi qu'il y a une piste qu'on ferait bien de poursuivre, c'est-à-dire avoir des diagnostics sûrs et rapides me semble un prérequis extrêmement important à tout contrôle de l'épidémie. Si on peut savoir dans la minute qu'une personne est infectée, avec un taux de fiabilité élevé, c'est-à-dire le plus voisin de 100% possible, à ce moment-là, on peut vraiment agir. Pour moi, c'est la clé de toute action. Ensuite, une fois qu'on a un diagnostic rapide, on peut envisager d'isoler des personnes ou de prendre des mesures pour leur donner un médicament qui serait d'une part efficace contre l'infection virale elle-même et ensuite contre la réponse immunitaire exacerbée qui est à l'origine de la pathologie. Pour moi, ces trois piliers doivent être absolument soutenus et ils dépendent d'une recherche fondamentale puissante. Février. Aux États-Unis, des scientifiques promettent un premier vaccin testé dans 3 mois à peine, tandis qu'à Hong Kong, certains vont même plus loin et assurent avoir déjà trouvé un remède. Le coronavirus est au cœur d'une grande compétition mondiale entre laboratoires et au milieu de toutes ces annonces, difficile donc d'y voir toujours très clair selon le docteur Jean-François Chambon. C'est lui qui pilote la communication à l'Institut Pasteur. Vous allez avoir des start-up qui sont dans une logique de séduire des investisseurs. Vous allez avoir des laboratoires pharmaceutiques qui vont être dans des logiques industrielles, mais être aussi dans des logiques d'image, pour dire qu'ils apportent aussi leur contribution à la lutte. Vous allez avoir des scientifiques universitaires qui vont être dans des logiques de notoriété. Donc voilà, il faut décrypter ces différentes logiques. Mais cette course au vaccin est loin d'être forcément négative, selon lui, car grâce au numérique, les scientifiques peuvent aussi partager leurs résultats en temps réel. Une grande coopération mondiale, là où avant il fallait nouer au cas par cas des partenariats, la recherche n'a donc peut-être jamais été aussi rapide, selon le docteur. Tant mieux que toutes les équipes expertes dans le monde travaillent sur des démarches comparables. Ça nous permet d'accumuler des données. Et moi, je m'occupe d'épidémies depuis 40 ans. Jamais on est allé aussi vite. Jamais on est allé aussi vite pour arriver à reconnaissance, diagnostic, séquençage, isolement. Vous voyez, on a mis 4 semaines et demie pour faire ça. Le sida, ça a pris 4 ans et demi. La connaissance des épidémies, elle a varié en fonction de notre acquis de connaissances générales, de notre acquis technologique et de notre acquis microscopique et de nos connaissances biologiques. Donc, à l'époque de la peste, comment on savait qu'il y avait une épidémie? Parce qu'on comptait le nombre de morts dans la rue. C'était le moyen de savoir comment il y avait une épidémie. Tiens, on a ramassé 4 cadavres dans la rue et depuis un mois, on en ramasse 20 par jour dans la rue. Voilà, c'était notre moyen de chiffrer une épidémie. Puis après, on a eu des médecins un peu plus malins que ça qui ont constaté des symptômes. Donc c'était clinique. Alors on va dire qu'au début, c'était croque-mort. Après, c'est devenu clinique. C'est-à-dire qu'on avait des symptômes. Tiens, tous ces patients qui sont morts avaient les mêmes symptômes. Il doit y avoir une épidémie. Et puis après, on a trouvé les microbes après Pasteur. Donc on a compris que la tuberculose, elle se... Voilà. Et puis maintenant, on va beaucoup plus loin. La technologie a dépassé et la comptabilité épidémiologique et l'observation clinique, puisque nous pouvons dire avant même qu'il y ait, on va dire, 100 malades, je pense que nous pouvons dire, voilà, c'est un nouveau virus, ARN, de telle famille, telle souche. C'est-à-dire que nous connaissons le virus, sa souche, sa famille, son ARN ou son ADN, avant même que l'épidémie se soit manifestée au niveau démographique ou clinique. Par contre, alors, nous sommes submergés par notre technologie. Nous ne savons pas la gérer, pour beaucoup de domaines, celui-là entre autres, mais pour beaucoup de domaines, nos capacités cognitives ne nous permettent pas de gérer correctement nos progrès technologiques. Ça, c'est intéressant. Mais Dans le cas présent, les virologues donc, ont vraiment vu un nouveau virus. Il n'y avait pas de doute, hein, ils n'ont pas menti, ils ne se sont pas trompés. Ils ont vraiment vu que ce virus était contagieux et ils ont vraiment vu qu'il était un peu plus grave que celui de la grippe, on va dire. Donc, en toute logique, ils doivent transmettre cette information. Ils ne vont pas la cacher. Mais à partir du moment où vous transmettez une information, aujourd'hui, dans le monde mondialisé, avec un seul décideur qui est l'OMS, au-dessus de tous les ministères de santé, vous transmettez une information d'un risque de pandémie, d'une maladie, donc, on va dire, potentiellement assez grave et très contagieuse, vous êtes obligé de le dire et vous avez des réactions en chaîne, inévitables depuis l'OMS. Ça, c'est l'OMS qui décide maintenant, hein. C'est plus le ministère de la Santé, c'est l'OMS. C'est grave, alors après, il y a les bons élèves, les mauvais élèves, après la politique fait les choses, il y en a qui au contraire ont intérêt à en faire trop, d'autres moins, bon ça c'est de la politique. Mais de toute façon, ils le disent. Et une fois que vous avez dit ça, et que vous avez un danger potentiel, on va dire, parce qu'il faut quand même dire une chose, alors je vais essayer de modérer mes mots, le danger réel n'était quand même pas très élevé, jamais, il n'a jamais été très élevé, hein. Je crois qu'il faut le dire. Quand vous avez une épidémie où la moyenne d'âge de la mortalité est de 80 ans, d'un point de vue biologique, humain, pour Homo sapiens et toutes les espèces, c'est un faible danger. Hein? Si la moyenne d'âge était de 5 ans et que ça touche les femmes enceintes ou les enfants, là, on a un gros danger pour l'espèce. Donc, ça n'a jamais été une maladie présentant un danger clinique fort. Mais, ça, c'est un avis de clinicien, d'épidémiologiste et surtout de biologiste de l'évolution. Hein, je protège l'espèce. Mon espèce, Homo sapiens, n'est pas en danger du tout avec ce virus. Hein, il y a d'autres dangers. Elle n'est pas en danger. Par contre, à une autre échelle, donc surtout dans nos pays maintenant qui sont largement surmédicalisés, où vous avez une judiciarisation du soin, hein, donc là, vous avez une obligation politique de réagir. C'est-à-dire que les politiques n'ont pas le choix. Ils n'ont pas décidé, je fais ci, ça ou ça. Ils n'avaient pas le choix de faire autre chose que ce qu'ils ont fait. Alors évidemment, en plus, on les accuse. Ils ont fait beaucoup, mais on les accuse d'en avoir pas fait assez. Voilà, c'est-à-dire que là, l'opinion publique est encore plus exigeante que ne peuvent l'être les politiques par rapport à l'OMS. Et ça, c'est vraiment ce que j'appelle la contagion du biais cognitif, quoi. La contagion du délire et du biais cognitif. Ça, c'est de la sociologie. C'est plus mon domaine, hein. Enfin, c'est de la sociologie, de l'anthropologie. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a plus de raison. Vous avez les médias qui ne parlent que de ça 80% du temps. C'est-à-dire que vous n'avez plus le droit de penser. Comment avoir une autonomie de pensée pour celui qui écoute les médias? C'est pas possible. Le politique lui-même est submergé par ça. Donc, ils n'ont pas d'autre choix. Alors moi, vous me demandez s'ils ont bien fait. Moi, je crois que on a attendu que les premiers cas arrivent, on a attendu de faire le constat que c'était vraiment une épidémie qui se propageait assez vite, là, il n'y a pas de doute là-dessus, et il fallait faire quelque chose parce que l'opinion publique ne pouvait pas attendre. Hein. Là, on est dans un délire, ce que j'appelle une pathologie sociale. Hein. C'est une pathologie, je le vis comme une pathologie sociale. Sylvain Laurent, sociologue. Les acteurs dont on étudie l'intervention dans l'espace public au nom de la science, ces gardiens de la raison, comme on les a appelés, c'est-à-dire ces experts un peu autoproclamés, qui diraient le vrai sur les plateaux de télé, etc., ont appliqué à la crise du coronavirus leur critique du principe de précaution, qui est une grille d'analyse qu'ils ont déjà portée sur tout un tas d'autres sujets. Leur discours est de dire que finalement, si on fait trop de précautions, ça va freiner l'innovation, ça va freiner l'économie, et que non. Ça, c'est un discours qu'on peut tracer historique, plutôt du côté, encore une fois, de l'industrie pétrolière et du tabac. Et appliqué à la crise du coronavirus, on a vu voir fleurir des articles dans la presse, signés par ce type d'experts, qui expliquaient que si on allait trop dans la précaution avec ce virus, ça allait briser l'économie, qu'on ne pouvait pas mettre des villes sous cloche, qu'on ne pouvait pas confiner, etc. Et que, en fait, cette crise n'allait pas être si grave que ça. Et donc, il y a eu une minorisation par tout ce groupe d'experts-là, des effets du coronavirus, avec tout le côté aussi, c'est arrivé en Chine, ça arrivera pas chez nous, bon, etc., mais qui se fait au nom de cette idée qu'on ne devrait pas freiner l'économie au motif de santé ou de précaution sur la santé. Cette grille-là, en fait, elle est aussi tout à fait incapable de penser une crise où les risques individuels sont faibles, mais les risques systémiques sont majeurs. C'est-à-dire que si on prend une grille de type libérale telle qu'elle est appliquée par ces experts-là, finalement, effectivement, le coronavirus, pour une bonne partie de la population, il y a peu de chances que vous en mouriez si vous avez moins de 60 ans, si vous n'avez pas de comorbidité, etc. Donc là, effectivement, on a un risque individuel qui est faible. Sauf qu'en fait, c'est un risque systémique majeur, parce que ça va mettre sous pression les hôpitaux, les lits qu'on n'aura pas assez, les appareils de réanimation, toutes les instances collectives, en fait, tous les biens communs qui permettent de résister à ce type de crise quand elles sont généralisées à l'échelle d'une population de plusieurs millions. Et pour moi, je trouve qu'un des intérêts, s'il y en a un de cette crise, c'est de montrer la limite de cette pensée-là, de la critique du principe de précaution, qui serait basée sur une logique de type rationnel, libéral, ou basée uniquement sur une rationalité de type économique, coût-avantage, mais à l'échelle d'un individu. Et on voit que ce type de crise, ça rappelle l'existence d'une société, de structure sociale, de structure collective. Et ça, c'est le sociologue, désolé, qui parle. Mais je pense qu'on pourrait, enfin, on peut pas faire un rappel au plus fort au réel, quoi. Je veux dire, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est ce type de discours de défense de la science. Il évolue aussi très vite en fonction de ce que décide le pouvoir politique. Des acteurs qui étaient très au début de la crise étaient vraiment dans le discours. Ça ne va pas du tout. Il faut pas imposer ce principe de précaution. À partir du moment où le pouvoir politique prend les devants, décide de protéger les populations, etc., on n'a plus lu de papier ou d'articles qui étaient autant caricaturaux et autant dans la critique du principe de précaution. Donc si on avait un pouvoir politique qui régulièrement rappelait des principes évidents de vie en collectivité, de défense de la santé publique, ou même de l'environnement, des dimensions sanitaires, je ne suis pas sûr que ces discours d'attaque du principe de précaution seraient aussi forts, en fait. Et je pense qu'il y a vraiment une responsabilité des hommes politiques là-dessus, c'est qu'il faut vraiment que quelque part une impulsion vienne de leur côté. Que peut la science pour que l'espèce humaine aille mieux ou aille assez bien? Ma réponse, elle est pas grand-chose. Quand on voit comment les techniques ont utilisé ou appliquent les sciences, que ce soit physique, chimique, biologique, etc. Bon, donc que peut la science pour que l'humanité aille mieux ou que notre écosystème aille mieux? Je sais pas. En revanche, moi, ce qui m'intéresse dans les sciences, c'est qu'est-ce que les sciences peuvent nous faire connaître des lois de la nature, quoi, de comment fonctionne la nature. Là, je pense que la science peut beaucoup. Et là, chaque exemple qu'on donne, je ne sais pas ce qui va arriver, traitement, pas traitement, réponse scientifique formidable ou insatisfaisante, pas complète. Mais en tout cas, elle nous explique des trucs, elle nous fait connaître des choses sur ce virus, sur le concept d'immunité, sur les différents modèles, elle nous fait connaître des choses. Elle augmente, elle intensifie notre dialogue avec la nature. On en connaît davantage. Elle satisfait partiellement notre curiosité. S'il n'y a pas de curiosité de savoir, on s'en fiche, la science ne peut rien. Si on est curieux, et je crois que beaucoup d'humains sont curieux de savoir, que ce soit en astronomie, en physique, en biologie, etc., s'ils sont curieux de savoir, la science peut quelque chose. Alors évidemment, ce qui est embêtant, on aimerait bien que la science puisse aussi guérir le corona. Ben, elle peut quand même aider, elle peut donner des idées, hein. Elle a quand même, si on regarde par exemple l'histoire de l'épidémiologie, ben, c'est des concepts scientifiques, avec y compris des modèles mathématiques, qui ont permis quand même de bâtir des stratégies, à partir desquelles on a pu penser des stratégies dont certaines ont été drôlement efficace quand même. Donc, on ne peut pas dire la science peut rien. C'était Science et droit à l'erreur par Lydia Benitzrak. Avec Bruno Canard, Vincent Julien, Frédéric Keck, Jean-Paul Crivine, Philippe Hulman, Samuel Lalison, Luc Perrineau, Sylvain Laurent. Qu'est-ce donc ce rêve étrange, cette lumière immaculée, ce tuyau dans ma bouche, ces bruits sourds et répétés. Caroline Chaussé, Nathalie Rouvillain, Christine Anzano, Béatrice James. Extrait du film Contagion de Steven Soderbergh. Je mène seul et allongé, qui est ce soldat inconnu qui n'hésite pas à me ronger. Discret, il se délecte de mes faiblesses et modesties. J'étouffe sous un poids plume, guerrier d'une armée infinie. Corps vide. Prise de son, Martin Troadec, Sandrine Malon, Benjamin Thuot, Thomas Robin, Arthur Dumont, Élise Le. Réalisation, Assia Khalil. Mixage, Olivier Dupré. qui est ce nouvel arrivant, ce jeune homme au trait tiré. Il ressemble à mon fils, ce visage pâle, inanimé. Hôtel plein pour le mois d'avril, les places parisiennes sont chères. Le repos bien mérité après cette bataille printanière. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter en lisant la revue, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Bonap Olivier, Jules Crétois et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter au bon moment, il y a le podcast sur l'application Radio France. Et pour se parler, eh bien, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pendant 15 jours, grâce à Tank, notre partenaire, vous pouvez voir « Cherche toujours » le formidable documentaire d'Étienne Chailloux et Mathias Théry consacré au vertige de la recherche. Il y a un lien tout exprès sur la page de l'émission. Demain, dernier épisode entre fraude et mandarina. Mais en attendant, restez à l'écoute.